C'est quoi des antéchrists? C'est quoi des antéchrists? C'est assez simple. C'est des gens, le dictionnaire dit que c'est des gens qui sont les adversaires de Jésus-Christ. Il y a juste un auteur qui utilise le mot antéchrist dans tout le Nouveau Testament. C'est qui? Quel auteur? Non, c'est pas Paul. Jean. Dans son premier épître, trois fois, le mot antéchrist revient. C'est juste lui qui utilise le mot antéchrist, qui veut dire contre ou adversaire. Ces gens-là qui sont appelés antéchrist, dans l'épître de Jean, sont appelés antéchrist parce qu'ils disent que Jésus-Christ n'est pas venu en chair. Il est venu en apparence de chair, mais il n'est jamais venu en chair, vraiment. Il y a des mouvements religieux qui croient ça. Jésus n'est pas vraiment mort sur la croix, c'est une apparence humaine. Puis ces gens-là dénient, relient le côté humain, relient le côté charnel de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas pris la chair. La chair, c'est comme yak. La chair, c'est pas. C'est juste le spirituel. C'est pour ça que dans l'épître de Jean, il y a des gens qui vont dire qui sont chrétiens, mais qui dans leur chair, ils ont vu dans le péché soyable. C'est pour ça que Jean va dire, si tu dis que tu es dans la lumière et que tu vis dans les ténèbres, tu es un menteur. C'est comme ça. Les antéchrists, dans l'épître de Jean, disaient que oui, ils pouvaient vivre dans la lumière et dans les ténèbres en même temps. Ils se disent non, tu ne peux pas faire ça. Donc, si vous êtes des antéchrists, c'est des gens qui vont contre Christ, ils ne sont